Chapitre 4. Ensuite, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, Dieu donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que tu ne te blesses pas le pied contre une pierre. » Jésus répliqua, « L'Écriture déclare aussi, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne, lui fit voir tous les royaumes du monde et leur grandeur. « Je te donnerai tout cela, lui dit-il, si tu te mets à genoux devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Loin de moi, Satan, car l'Écriture déclare, « Adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. » Cette fois, le diable le laissa. Des anges vinrent alors auprès de Jésus et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capernaum, ville située au bord du lac de Galilée, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe, « Pays de Zabulon, pays de Nephtali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée qu'habitent les non-juifs. Le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. » Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher. « Changez de vie, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères qui étaient pêcheurs, Simon appelé Pierre et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. « Venez avec moi, leur dit Jésus, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils abandonnèrent leur filet et l'accompagnèrent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée leur père et réparaient leurs filets. Jésus les appela. Aussitôt, ils abandonnèrent la barque et leur père et ils le suivirent. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. On entendit parler de lui dans toute la région de Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies et étaient tourmentés par divers maux, ceux qui avaient des esprits mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralytiques. Et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des dix villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain.